Merci. Ben, merci à vous. À cet automne. Merci à François pour ton beau poème. Oui. Ça vient du cœur. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça va jouer, ça va jouer, ça s'en vient. Non, ça commence jusqu'à des chic chic chic. Ah, t'entends pas? T'entends pas? Ouais, je les entends. Chic chic chic. It's a lifeless life with no fixed address to give. But you're not mine to die for anymore, so I must live. The House That Heaven Built par Japan Droids sur leur album Celebration Rock qui sort le 5 juin prochain. Avant ça, on a entendu toujours dans le bloc Kiwan en cavale, le Kiwan en liberté, Paper Beat Scissors, avec Be Patient, débuté avec Catherine Calder et Write Book. Voilà pour les trois pièces de cette dernière chronique de la session pour Kiwan. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Donc, Andréane Simard vient nous parler de la pièce de théâtre Des vagins et des hommes. Oui, exactement. Yes. La pièce qui a été interprétée par la troupe Le Jeu de Plume jeudi et vendredi dernier. Je la connais pas, cette troupe. C'est une troupe d'ici? C'est la troupe de l'UQTR. Ah, wow, OK. Oui, c'est la troupe de l'UQTR. L'année dernière aussi, ils ont fait une pièce. Je pourrais pas dire quel était le titre de cette pièce. Mais cette année, ce fut la pièce Des vagins et des hommes, qui était en fait une adaptation de la pièce Les monologues du vagin d'Eve Ensler. La pièce a été jouée au Centre culturel Pauline Jean au Cap-de-la-Madeleine. OK. Et puis, cette pièce m'a vraiment surprise. C'était une pièce très enrichissante. Puis l'adaptation de la pièce était vraiment intéressante. Dans cette pièce-là, on a abordé plusieurs sujets mystérieux aux alentours du vagin, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Ben, c'est le terme. Exactement. Et puis, ils l'ont dit bien des fois dans la pièce. De quoi pour... à la fin, il y avait plus de malaise. Il n'y en avait plus de malaise avec ce mot-là. Non, exactement. Surtout que, comme je te dis, on a parlé de poils, d'inondations féminines, des règles, de gémissements. On a abordé plein de sujets. Mais justement, cette pièce-là, le synopsis, c'est quoi un peu? Peux-tu nous faire? Parce que je connais pas, c'est un livre aussi, ça, à la base. Oui, ben en fait, c'est une pièce avec plein de monologues dans lesquels on aborde différents sujets entourant le mot vagin ou le vagin de la femme. Okay. Puis, c'est une pièce un peu aux revendications féministes, encore une fois, puis dans laquelle on inclut à la fois des sujets qu'on connaît pas et à la fois des réalités que vivent les femmes à travers le monde. Okay. Des problèmes de viol. On parle aussi de tout ce qui est des pratiques là, d'excision, etc. Donc, c'est de ça qu'on... Okay. Puis, cette pièce-là, souvent, est jouée juste par des femmes, parce qu'il y a plusieurs monologues. Par contre, dans cette adaptation-là, les hommes ont été intégrés. Bonne idée. C'est une très bonne idée. Moi, j'ai trouvé que le regard des hommes ainsi que la distance face au sexe féminin qu'ils apportaient, c'était vraiment intéressant. Puis, ça l'apportait vraiment un plus, dans le fond, à la pièce. OK. Ben c'est ça, justement, parce qu'à la base, tu dis que c'est plus des femmes qui jouaient ça. Ben, je pense que c'est une bonne idée dans le monde où on vit. On est entre hommes et femmes. Et puis, c'est les relations, souvent. Je pense que c'est important d'avoir un regard de l'homme quand même. De l'homme, exactement. Puis il y avait des personnages là, très, très différents. Là. T'avais plus un nerd, t'avais un homme qui osait pas trop approcher les femmes parce qu'il aimait trop les femmes. T'avais un autre homme qui ne respectait plus ou moins plus la macho, femme. Plus macho. Si je peux aborder le terme, plus douchebag. Ouais, ouais. Donc ça l'apportait vraiment une dimension intéressante. Puis ça, excuse, l'adaptation, c'est par les gens de l'UQTR que ça a été fait? Oui, ah, ben c'est bien ça. Oui, exactement. Puis l'écriture des textes, là, des textes supplémentaires ont été faits par les comédiens et eux-mêmes. Et puis ça collait, c'était bon? Oui, ça collait, c'était bon. Encore une fois, les hommes ont pu s'amuser, si on veut, à aborder différents sujets qui les touchent aussi particulièrement. Eux, comment perçoivent le vagin de la femme et eux, comment ils ont l'impression que leur pénis n'est pas peut-être respecté dans certaines situations. Ouais. Donc, c'était vraiment... C'était très cool. Par contre, je dois dire que le choix de la salle était un peu... C'était un mauvais choix parce que j'ai trouvé que la mise en scène était excellente, mais souvent, les comédiens étaient assis ou faisaient des... Okay. Des figures au sol. C'est le centre culturel Pauline Julien, ça? Oui. OK. Pas loin du McDo, là, dans ce coin-là. Ouais. Exactement, oui. OK, c'est ça, je me demandais, parce que tantôt, il y avait dit Pauline Jean, là, je pensais que c'était une autre salle. Ah, oh, non, j'avais pas... j'ai dit Pauline Jean, non, c'est ouais, Pauline mais c'est Julien. Pauline Julien. OK, ouais. Parfait. Mais je comprends, j'avoue, c'est une salle. En plus, il n'y a pas de stage. Hein. Non. C'est une salle, c'est comme une salle d'expo, un peu. Exactement. Fait que tous les sièges étaient au même niveau. OK. Genre, dans la salle. Puis, il y avait une petite scène pour... Juste surélevée un peu. Surélevée. Donc, moi, j'étais arrivée à la fin, comme avant que la pièce commence. Puis, je suis petite. Donc, il y a plusieurs beaux moments que j'ai manqués, là, puisque j'étais assise à l'arrière. Oh, ouais, je comprends. C'était une belle salle, mais peut-être pas pour une pièce de théâtre comme ça. Là. Exactement. Parce que c'est ça, cette mise en scène-là était drôle, elle était provocante, puis j'ai manqué des bouts à cause de, okay. Une petite faiblesse, dans le fond. C'est pas si pire quand c'est juste le choix de la salle. Ouais. C'est pas si pire. Non, mais pour vrai, si le jeu des acteurs était bien, les textes étaient bien quand même. Oui, exactement. Puis Ariane Goulet, qui était en fait la metteur en scène, une étudiante de l'UQTR, okay. a très bien mené la troupe et a très bien travaillé pour la mise en scène. Ben merci. Fait qu'en gros, finalement, c'est ce que tu nous dis. C'est bien, seul petit bémol, la salle. La salle, oui. Bon, ben peut-être, est-ce qu'ils veulent peut-être la rejouer ou non? Ou c'est eux, c'est comme leur projet de l'année, puis après, c'est d'autres choses. C'est un petit projet parascolaire, là. Okay. Deux représentations, je crois que c'était assez pour eux. Okay. Sûrement un nouveau projet les attend l'année prochaine. Dans le fond, ils font ça pour l'amour du théâtre. Exactement. Bon, ben excellent. Merci, Andréane. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, ben, avant de se quitter pour l'été, avant de le quitter, lui, Xavier, parce qu'il sera pas non! avec nous. Oui, c'est sa chronique Tais-toi et cuisine. Hey! Voici le chanter aujourd'hui. Ça sera pas chouette, c'est la dernière. Oh, la hold this. Ah, wow, ça me manquait. Ah, duo en plus. Hey, wow. Ça va bien, Xavier? Comment ça va? Hey, t'as de l'air en pleine forme. Mais quoi, la température t'affecte pas? Non? Yosh, non, il fait 5 canons. OK, a perdu l'usage de la parole. Un chat lui a mangé la langue. Mao. Mao. Mio. Allô? Mio. Mao. Et quand même. Hey, j'allais bien, hein? Ça a l'air d'un vrai. Puis c'est un petit matou. Un tout petit un petit chat. Ouais. Un petit chat. Genre les petites boules de poils qui traînent en avant de la porte, les jours mouillés, puis qui arrivent, qui veulent juste un petit peu de lait tiède, là. Oh, quand même, on dirait une émission pour enfants ou d'animaux. Ouais, je sais pas vers quoi on se dirige, là, mais. Je sais pas. Bon. Hein? Écoute! Xavier, on parlera pas de la chronique aujourd'hui. Vu le ton, en fin de compte, j'aurais peut-être dû préparer des lattés chauds, pas des lattés glacés. Mais c'est ça qu'on a dit! T'écoutais pas! On t'a fait un message, on t'a lancé un message. Si Xavier écoute. Oui, mais il était quelle heure? Il était quelle heure? Ben, il était 7h05, il dit. C'était en master, ça. Fait que moi, j'avais préparé tout mon stock pour le latté glacé hier soir. Ouais. T'as vraiment pas écouté donc, parce que donc j'aurais pu le chauffer à matin. Si mon tu m'avais envoyé un message via Facebook, j'aurais fait comme OK, je le mets dans le micro-ondes avant de partir. C'est donc ma faute, c'est ça. En tout cas. Oh boy. Donc, oui, on est lundi matin. Il mouille en ce moment pour nous en studio. Ça mouille très beaucoup. Ça mouille beaucoup. Donc, on va se boire quand même du latté glacé. Oui, dans le fond, latté glacé qui fonctionne exactement comme un latté classique, en fin de compte. Un latté, c'est

Fait que t'es trop loin juste pour ta dernière phrase de ta chronique, là. Caroline, toi. D'accord, faut bien que je parte en marquant tout ça. Oui. Tu sais, faut soigner l'entrée, faut soigner la sortie. C'est ça, on va se rappeler de toi. Ah, on va l'avoir dans la mémoire longtemps. Oui. Hein? Xavier Antoine, si tu veux nous appeler pendant l'émission du jeudi cet été, hein, quand tu veux, tu sais. En direct du magasin, ouais. Ben, ok. Ben, ok. Écoute, c'est le rush, j'ai pas le temps. Salut. Merci encore. Ça fait plaisir. Bon été. Merci à vous deux aussi, puis on se reverra peut-être avec un petit peu de chance saison prochaine. J'espère bien. Peut-être même que tu vas être dans le coin, tu vas graviter autour de l'UQTR, qui sait? On verra bien. Espérons-le. Des fois que plein de choses se décident de cette semaine. Je te le souhaite. Bonne chance, hein, Xavier. Merci les enfants. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Donc, c'est un homme qui gagne un concours en avalant près de 4000 euros de caviar en 86 secondes. Hein? On a l'habitude des concours américains dans lesquels les participants doivent ingurgiter le maximum de hot dogs en un minimum de temps. Ce genre de concours en Russie est d'une autre nature. Les concurrents doivent avaler du caviar. Hein? On le sait, quand au Texas, on organise des concours de fast-food, finalement. Eh bien, à Moscou, on mange du caviar. Et puis, ça a été déclaré par l'appartement, le restaurant dans lequel le concours de luxe a été organisé. Cette nouvelle a été relayée par le site Internet La Dépêche. Et ce restaurant chic moscovite, en effet, organise un concours bien original. Manger le plus de caviar possible en un minimum de temps. La dizaine de participants tirés au sort et attablés devant un bol rempli de ces œufs d'esturgeon tant prisés explique la même... Émunis d'une grande cuillère, ils se sont tous mis à gober les œufs. C'est un Russe de 49 ans qui a été l'heureux gagnant de ce concours. Il a avalé 500 grammes de caviar en 1 minute et 26 secondes. Il a donc reçu la somme de 10 000 roubles, 260 euros à peu près, pour avoir gobé près de 5 000 $ de caviar, ce qui représente 3 800 euros. Donc, seulement pour le concours, ça vaut la peine parce qu'on peut se taper quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de manger souvent. La vanité de ce restaurant ne s'arrête pas là. L'établissement avait dépensé 2 millions de roubles pour cet événement promotionnel. Je vous invite à découvrir ce concours en vidéo sur la page Facebook du Dîner de Cons. Les liens sont tous là et ils vous attendent. Tiens, j'ai goût de faire une dernière petite nouvelle avant de s'en aller en musique. Tiens, c'est des capsules qui pourraient remplacer nos avions dans le futur, hein? Ça pourrait être assez intéressant. Donc, c'est des un peu comme pour lancer des messages là dans l'ancien temps, là, quand il n'y avait pas Internet, là, des tubes dans les immeubles, là, un peu. Ça me fait penser à ça. Donc, dans le futur, les voyages se feront sans doute dans ces capsules. Ouais, peut-être pas. On peut juste imaginer que ça pourrait peut-être. Et en 6 heures à peine, il serait possible de faire le tour du monde, nous dit-on. Le projet s'appelle Evacuate Tube Transport et qui vise à révolutionner les moyens de transport actuels. En effet, ce nouveau véhicule propose de rendre les voyages beaucoup plus rapides et écologiques. Il s'agit de capsules qui seront expulsées dans des tubes sous vide à une vitesse incroyable, si bien que pour rejoindre Pékin au départ de New York, il ne faudrait pas plus de 2 heures. Ce concept ET3 a été imaginé par Daryl Ulster en 1980, mais l'idée a été reprise par le docteur Zhang Yuaping, doté d'un doctorat en ingénierie des transports en Chine. Ce dernier a alors décidé de collaborer avec Daryl Ulster pour donner vie à ce concept. Faire le tour du monde ne devrait pas prendre plus de 6 heures avec ce véhicule plein de promesses. L'appareil devrait pouvoir atteindre les 6500 km à l'heure. À l'annonce d'une telle vitesse, on est en droit de se demander si notre organisme sera préparé à vivre une telle expérience. Faut se rappeler qu'au début du siècle, eh bien, on nous disait que à plus de 100 km/h, notre corps se désagrégerait ou presque, ce qui est vraiment pas le cas. Chaque capsule a été conçue pour accueillir un maximum de 6 personnes ou, dans le cas de transport de marchandises, 367 kilos seront acceptés dans la cabine. Pour l'instant, le T3 est simplement un énorme rêve, mais ses créateurs l'envisagent concrètement, car le prix de la construction de la capsule représente seulement le 1/10 du prix d'un train à grande vitesse. Je vous invite à découvrir la vidéo qui explique ce superbe projet sur la page Facebook du Dîner de Cons. Les liens sont là. Et puis moi, je pense que l'idée est pas folle, mais c'est pas faite. C'est ça qu'il faut se dire. Sur ce, eh bien, on va aller en musique. Et puis, on va aller écouter une pièce de Mademoiselle Colette Renard. Les nuits d'une demoiselle, justement. Et puis, c'est une pièce qui était proposée par Andréanne suite à sa critique sur la pièce de théâtre des vagins et des hommes. Tiens, on va aller voir tout de suite ce que ça en dit. Ça devrait partir, je vous dis. Je vous laisse au bon soin de Colette Renard. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le riz. Je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Merci, Mademoiselle Renard. On va en écouter d'autres de ces pièces de Mademoiselle Renard. Pas aujourd'hui, mais au cours de la semaine. C'est notre dernière semaine pour la session hein, d'hiver. D'hiver, oui, on peut dire, d'hiver 2012. Le Dîner de cons est dans sa quatrième avant-fin. Hein? On est loin, mais il nous reste encore du bonheur ensemble. On est seulement lundi. Tiens, on va aller vers nouvelle. Oui, c'est intéressant, celle-là. C'est les baleines savent-elles anticiper les tsunamis? Hein? C'est une question donc d'importance qui a été posée cette semaine à la suite d'observation d'un phénomène pour le moins inattendu. Les baleines ont-elles, ont-elles la capacité d'anticiper les tsunamis? La chauve-souris et la guêpe, elles, pourraient se substituer aux pesticides. On connaît donc les ravages sur les nappes phréatiques et dans tout autre registre parce qu'ils sont beaucoup plus utiles que ce quidam croit. Qu'est-ce que le Kidam croit? Eh bien, un collectif d'artistes a tenu à rendre hommage aux insectes. Donc, on parle d'insectes et dans le fond, c'est de rendre hommage au domaine animalier. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses, nous dit-on. Passons donc sur les cas particuliers des frelons, mygales, scorpions et autres tarentules. Mais à leur vue, on a généralement tendance à mettre un terme expéditif à leur existence. C'est oublier un peu vite qu'elles participent aussi au bon fonctionnement des écosystèmes. Le collectif d'artistes Carmichaela Collective, un projet d'une agence de publicitaire américaine, a quant à lui eu bien conscience de cela et pour rendre hommage à ces millions d'insectes qui trépassent chaque jour dans l'indifférence générale, il a eu l'idée originale de leur dédier de petits monuments aux morts. L'idée est d'interpeller les badauds sur le triste sort des insectes qui, par définition, font eux aussi partie de la biodiversité, et ils sont plus de 30 milliards à mourir chaque année aux États-Unis, rien qu'à cause des voitures. Que les défenseurs des animaux les plus extrêmes se rassurent néanmoins, ce n'est pas demain qu'ils disparaîtront de la surface de la Terre. Si on parle cette fois-ci de chauves-souris et guêpes, eh bien, ce seraient des substituts efficaces aux insecticides. Ils sont une véritable plaie pour l'environnement et parfois pour aussi ceux qui les vaporisent. Spritchés allègrement dans nos frontières, eh bien, les pesticides sont dans le viseur du gouvernement via le plan Ecophyto 2018 qui aspire à réduire leur utilisation de moitié par rapport au niveau de 2008. On parle de la France ici, parce qu'avec un cave comme Stephen Harper à la tête du pays, eh bien, je pense pas que ça soit dans les plans canadiens. Les chauves-souris et les guêpes pourraient les aider à se conformer à cet objectif. Des chercheurs ont bien en effet découvert que les chauves-souris brésiliennes se repaisaient des insectes qui ravagent les champs au cours de leur migration estivale vers le sud des États-Unis. Établi dans l'État du Sao Paulo, l'entreprise Bug Agente Biologico commercialise quant à elle des sachets de guêpes destinés à la lutte biologique, lesquels sont ensuite disséminés dans des champs et une fois ouverts, ils libèrent des guêpes minuscules appelées trichogramma. Dépourvues de dards et de venin, celles-ci pondent des œufs dans les larves des chenilles et infestent les champs. Qui infestent les champs? Les larves donnent ensuite naissance à des guêpes qui peuvent à leur tour partir à la recherche d'autres nuisibles. Le concept gagnerait vraiment à s'exporter. Et puis sinon, ben comme tantôt on parlait des baleines, c'est là qu'on a commencé notre hommage aux insectes et aux animaux. Eh bien, on apprend peut-être qu'elles pourraient anticiper les tsunamis. C'est le photographe britannique Andrew Sutton qui était en bateau avec son équipe le 11 avril dernier, le jour du tremblement de terre qui a frappé le Sri Lanka. Il a été témoin d'un curieux phénomène. Tous les cétacés, du dauphin à la baleine, avaient auparavant quitté les lieux. Y a-t-il un lien entre cet exode massif soudain et temporaire et les séismes? Il est encore impossible de répondre à cette question. On sait toutefois que les infrasons se propagent beaucoup plus rapidement dans l'eau que sur Terre. Aussi, les animaux ayant la faculté de détecter ces infrasons peuvent-ils, à tout le moins sur papier, prendre la peau d'escampette en cas de catastrophe? Le témoignage de M. Sutton, qui a assuré que ni lui ni son équipe ne se doutaient de l'imminence d'une secousse tellurique, rappelle en outre l'exil brutal d'un troupeau d'éléphants domestiqués peu avant le tsunami en décembre 2004. Si l'aventure... La communauté scientifique devrait prouver la capacité des baleines à sentir les déferlantes. Les autorités japonaises auraient une autre bonne raison de cesser de capturer ces cétacés. Ouais, hein, c'est assez, c'est ça le dit. D'autant qu'elles connaissent malheureusement un rayon. Elles en connaissent malheureusement un rayon en matière de raz-de-marée. Je pense que, pas juste les Asiatiques, mais je pense que toute l'humanité, toute la planète, nous, hommes et femmes, devraient peut-être un peu plus écouter ce que les animaux nous font penser ou nous font ressentir et voir un peu la façon dont ils traitent les choses. C'est un peu la façon de la nature, la façon naturelle. En tout cas, faites-vous votre idée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. J'ai envie de me renseigner dans la vie, moi. Parfait. Et j'ai envie même de faire ça ben vite en succession, comme... C'est un fake wiki edition. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, que des choses qui sont vraies. Des vraies affaires. C'est comme TVA, ils disent la meilleure information. Quand tu dis ça, c'est que c'est donc évidemment la meilleure information. C'est vrai. Comment contredire ça? Ça le dit. C'est un slogan. Tu peux juste pas. Donc allons-y avec des faits en rafale, tiens, quoi qu'il y ait de chaîne. La gymnophorie, qu'est-ce que c'est la gymnophorie? C'est l'impression que quelqu'un te déshabille mentalement. La gymnophorie. La gymnophorie? Phorie. Non, pas phobie, ce serait sûrement, j'imagine, avoir peur. Mais ça, je sais pas. Ça le dit pas. Eh bien. Le deuxième auteur le plus traduit au monde, c'est Jules Verne. Et dans le top 50, il n'y a même pas J.K. Rowling ou encore Terry Pratchett ou d'autres auteurs très, très connus. Ils sont pas dans le top. C'est bizarre. Eh bien. Alors que là, tu me demandes, j'imagine, une question de suivi un petit peu, c'est quoi le numéro 1? S'il te plaît. Je pourrais pas parler du numéro 2 sans en faire le numéro 1. L'auteur le plus traduit dans le monde, c'est Agatha Christie. Oui. Shakespeare arrive en 3e et Tolkien en 39e place. En moyenne, les gens ont moins d'amis que le nombre d'amis que leurs amis ont.

Elle va dépenser 1078$ sur le bal de fin d'année cette année. 1078$ pour un bal. Quand même, c'est cher. Moi, je trouve ça beaucoup trop cher pour un bal. Tout à fait. Et pour terminer, on nous dit que pour économiser de l'argent quand tu magasines, OK? Ouais. Il faut juste pas toucher à rien. Parce que toucher à un article rend plus probable l'achat à la fin. Vous allez vouloir payer plus. Ah, tu l'as en ta possession, ouais. Oui. Puis tu le touches, tu sais qu'il y a de qualité, tu sais, ça n'a pas la cheap dans ta main ou c'est quelque chose du genre. Parce que des fois, quand ça a la cheap, tu l'achètes pas. Moi, c'est mon cas. Donc, ne touchez à rien et vous allez rien acheter. Eh voilà. Bien. Pour la collègue, c'est un fait, c'est tout. T'es cookie pas mal, hein? Très bien. Merci, Matt. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Elle se blesse lors d'un rapport sexuel pendant un voyage de travail et la justice l'indemnise. C'est pas beau, ça? Donc, les bobos de l'amour sont des blessures comme les autres, a tranché la justice australienne. Vendredi, déboutée dans un premier temps par son assurance maladie, une fonctionnaire a plaidé sa cause au tribunal et a fini par être indemnisée. La jeune femme était en déplacement de travail en 2007 et à son hôtel, en plein acte sexuel, la lampe au-dessus du lit est tombée, la blessant ainsi au visage. L'assureur a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un incident ordinaire comme de se doucher, dormir, manger ou de rentrer en marchant d'un rendez-vous de travail. La plaignante s'était engagée dans une activité de loisir que son employeur n'avait ni organisée ni encouragée. C'est vrai aussi, ça. Le juge en a décidé autrement. Si la plaignante s'était blessée en jouant aux cartes dans sa chambre de l'hôtel, elle aurait été indemnisée, a conclu le juge Nicolas. Alors, pourquoi pas cette fois-ci? Ben, c'est vrai aussi quand même, parce que si elle n'avait pas été à son voyage de travail... Eh bien, elle n'aurait pas été couchée dans cet hôtel-là et la lampe n'aurait pas tombé. Mais bon, ça fait beaucoup de si, hein? En tout cas, faites-vous votre idée, mais ça marche comme nouvelle, c'est merveilleux. Tiens, on va parler de IKEA. IKEA a décidé de créer le plus petit magasin au monde. Vous avez bien compris, IKEA a battu un incroyable record, celui de créer le plus petit magasin au monde. Le groupe a réussi à faire tenir 2800 produits dans un espace minuscule de 10,5 cm sur 8 cm. Donc, dans la mini-boutique en ligne du magasin, simplement en passant la souris sur la mosaïque, l'internaute agrandit les objets du rayon dans lequel il se promène et a alors la possibilité de cliquer sur le produit en question pour afficher la fiche du produit et permettre ainsi au consommateur d'acheter. Le petit rectangle a la taille d'une bannière et s'incruste parfaitement dans les espaces publicitaires des sites. Les internautes pourront donc survoler l'image pour s'arrêter sur le produit qu'ils recherchent tout en visitant un autre site. L'avantage de ce mini-magasin est donc d'attirer les nouveaux clients sur le site d'IKEA. IKEA a décidé d'offrir l'accès à tous ses rayons à partir d'un tout autre site. Ce coup de communication original devrait permettre au groupe de se former une toute nouvelle clientèle. Les personnes effrayées par la taille impressionnante des magasins IKEA pourront visiter le magasin en quelques secondes seulement avant de passer à l'étape de l'achat. Alors, je vous invite à voir cette petite démonstration sur la page Facebook du Dîner de cons. Les liens sont là, les vidéos sont là, tout est là. Et puis, tiens donc, avant de poursuivre en musique, ben, je vais vous inviter, messieurs, mesdames, hein, parce qu'on le sait, les belles jeunes femmes s'appelaient autant aux hommes qu'aux femmes. Eh bien, c'est Rihanna qui a mis une série de photos sensuelles sur la toile. Donc, on sait qu'elle aime attirer l'attention, non seulement pour sa musique et même pour ses débuts au cinéma, mais elle entretient également une relation forte avec la presse sur sa vie privée. Son nouveau hobby, eh bien, de poster des photos ultra personnelles et particulièrement pas trop habillée, hein, sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter. Mais c'est pas un réseau, Instagram. C'est une façon de fonctionner, à moins qu'il y ait un réseau, mais je sais pas. Twitter et maintenant Facebook. Dernier fait en date, elle a mis à son jour son profil avec des photos plutôt hot de ses vacances à Hawaï. Je vous invite à juger par vous-même. Allez voir ça, une belle jeune dame pas trop habillée. Sinon, on s'en fait une petite dernière avant de poursuivre en musique. Et puis, on va aller en musique avec Mauve tantôt. Eh bien, on va parler de Yves Rossi.

plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et puis, tiens, on va poursuivre avec des nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Cette fois-ci, avec un centime, un homme récupère 875 000 euros. On veut savoir comment ça fonctionne, c'est quoi. Donc, il ne restait que 14 pièces comme cela. Donc, c'est une pièce en cuivre et en argent qui date de 1792. Elle a été vendue à 1,15 million de dollars américains lors de la vente aux enchères de Heritage Auction à Schaumburg, dans l'Illinois. Le penny, une pièce américaine d'un cent, avait été achetée en 1974 pour 105 000 $ quand même, et par un intermédiaire qui représentait un groupe d'investisseurs. On peut lire sur la pièce cette phrase « Liberty, parent of society and industry ». Donc, bien sûr, en français, c'est la liberté, la mère et la science et de l'industrie. Donc, ces pièces ont été créées en 1792 à titre expérimental. L'application de la loi de 1792 qui établit à un hôtel des monnaies aurait abouti à la fabrication de centimes trop grands et trop lourds pour un usage pratique. C'est ce qu'a expliqué Todd Imford, vice-président de la maison des enchères Heritage Auction. Alors, le chef de l'hôtel des monnaies a suggéré de faire une pièce de plus petite taille en se servant d'un petit élément en argent pour qu'elle garde sa même valeur que la pièce intégralement en cuivre initialement prévue. Les premières pièces à être entrées en circulation de manière plus massive ont été frappées en 1793. Elles étaient un peu plus grandes qu'une pièce actuelle de 25 cents américains et c'était seulement une cent. Et puis c'est ce qu'elle valait pour vrai. Parce qu'aujourd'hui, hein, on a de la monnaie qui vaut rien. C'est juste... C'était là, oui. Oui, je suis là. Moi, je me pose souvent la question. Des fois, tu sais, il y a tellement de monnaie qui nous passe entre les mains, tu sais. Des fois, ça doit arriver qu'il y a comme... Tu le sais pas, mettons, une scène ou un 5 scènes qui vaut bien plus que tu penses. Ça, c'est clair. Tu le donnes quand tu t'achètes un Mr. Freeze, puis that's it. Après ça, tu t'en vas, mais c'est sûr que ça doit arriver. Le pire, c'est... Quand tu passes la balayeuse, là, moi, ça arrive que des une scène, là, ils se font avaler. Peut-être que tu viens d'avaler 2000 piastres, tu sais, parce c'est un spécial, il a été imprimé des deux bords, mettons... Pareil ou quelque chose. C'est un peu plate, mais bon. En plus, ben, ils disparaissent, là, les pièces d'un scène à partir de cette année. Ben oui, encore une fois, le gouvernement conservateur frappe encore. Mais ça, c'est une des choses, moi, je trouve que c'est à peu près la seule chose que je suis d'accord avec l'idée d'enlever la pièce d'une scène. Oui, c'est romantique, la pièce d'une scène. Donc, c'est un vrai classique, une pièce rarement vu en si bon état, a ajouté le même homme. À l'époque, l'industrie et la science reflétaient un état d'esprit d'illumination. Les gens croyaient que la liberté de penser et la croissance industrielle seraient liées et unifieraient le pays. C'est pas tout à fait ce qui est arrivé. La pièce provient d'un collectionneur qui souhaite rester anonyme. Il a été propriétaire de la pièce pendant 10 ans et a payé beaucoup moins que ce que la pièce rapporte à présent. Mais j'espère, sinon ça ne serait pas être une bonne affaire. Avec des articles de collection pour un article à vendre pour plus d'1 million de dollars, c'est un événement inhabituel. Beaucoup de gens sont venus ici. C'est ce qu'a rapporté la vice-présidente de ABC. Une pièce de monnaie donc du même type a été vendue il y a près d'un an à 3 millions de dollars cette fois-ci. Moins de 30 pièces de monnaie dans leur histoire ont été vendues, plus d'un million de dollars aux enchères publiques. Quand même, c'est des gros sous pour pas beaucoup de sous. Mais ils font quoi avec ça? C'est bien fun de savoir qu'ils ont une scène, c'est une scène spéciale. Mais à part le mettre dans un cadre puis être bien fier de dire à tes amis... C'est où que ça sert? Ça sert à rien. T'as tout à fait raison. C'est en plein ça. Tiens, on va aller voir une dernière petite nouvelle avant d'aller vers une pièce musicale et une pause publicitaire. C'est une vidéo qui fait le buzz un peu sur la toile depuis quelques jours. J'en avais pas parlé, mais comme aujourd'hui, il y avait un petit manque, je trouve, dans les nouvelles. Mais pourquoi pas? La vidéo est quand même assez intéressante. C'est un time-lapse sur le net qui met en vedette une jeune fille prénommée Lotte que l'on peut voir grandir de sa naissance à ses 12 ans. Ah ouais. Oui, c'est son papa donc qui a réalisé ce film pour faire une surprise à sa fille en prenant une vidéo de Lotte chaque semaine pendant 12 ans. Il rend possible donc d'assister à son enfance en moins de 3 minutes. Le time-lapse ou le vidéo en accéléré est un phénomène à la mode bien sûr sur internet. L'une des plus connues est celle d'une jeune femme qui s'est prise elle-même en photo pendant 4 ans. Il y avait un homme aussi qui avait fait ça, qui était pas en vidéo, c'était en photo aussi. Et puis on le voyait vraiment évoluer, puis je pense que le gars il a continué. En mars dernier donc cette jeune fille Amélie qui s'était mise en vidéo, ça a fait encore ça aussi un buzz. Ses parents filment la grossesse de

Cette fois-ci, le doute n'est plus permis. L'avenir est à la robotique. Il y a déjà plus de 2 ans, Fox News écrivait un article sur la première petite amie androïde nommée Roxy, avec 3 X. Là. Et en janvier 2012, Douglas Innes, le président de la société True Companion, qui fabrique Roxy, déclarait qu'elle est une compagne de vie. Elle a une personnalité, vous entend, vous écoute, elle vous parle et sans votre contact. Nous avons essayé de reproduire une vraie personnalité. Elle ne sait pas cuisiner, mais elle est prête pour l'action. Hein, la vraie action. Présentée lors de l'édition 2010 de l'Adult Entertainment Expo de Sin City, la poupée sexuelle semble avoir sonné des idées aux deux chercheurs néo-zélandais. Cette théorie n'est pas unique en son genre puisqu'elle s'inspire de 2 autres travaux, ceux de Christensen Henrik, président de l'European Robotic Research Network, qui prétend que les gens auront des relations sexuelles avec des robots d'ici les 5 prochaines années. Les chercheurs David Levy de l'Université robotique de Maastricht prédit que dans Life Science, aussi que le Massachusetts légalisera le mariage entre êtres humains et robots en 2050. Sur leurs traces, Yeoman et Mars construisent un quartier rouge imaginaire en se projetant dans les années 2050. Le robot est la solution miracle car même la ville d'Amsterdam y trouve son compte. Ah, c'est toute une étude, ça. Leur étude se fonde autour de la ville d'Amsterdam en raison de son histoire comme destination de tourisme sexuel. Car selon les auteurs, l'industrie du tourisme d'Amsterdam est construite sur une image du sexe et de la drogue. Partout dans le monde, cette activité est malheureusement en pleine expansion. Certaines régions du globe sont des destinations spécifiques qui attirent un grand nombre de clients. Certains sont des hommes d'affaires en voyage qui rentrent dans ces établissements par commodité. D'autres sont des clients, par contre, à la recherche de plaisirs et de fantasmes particuliers, en comprenant parfois des sujets que la loi déclare comme intouchables, comme les mineurs ou les animaux. Du point de vue légal et éthique, le robot serait la solution puisqu'il ne conviendrait à aucune loi et n'étant pas un être humain, ne pourrait pas être considéré comme une déviance. Il éviterait également la traite d'êtres humains qui, dans les années 2040, devenait insoutenable. Le conseil municipal craignait que si le quartier rouge venait à fermer, cela a un effet néfaste sur l'image de la ville et l'industrie du tourisme, alors qu'apparaissait inimaginable pour la ville de ne pas avoir une industrie du sexe, qui est un facteur clé pour des soirées réservées aux hommes et les congrès industriels. Le Yum serait donc sous le contrôle municipal et policier, tout en bénéficiant de la reconnaissance de l'Organisation mondiale du tourisme. Aujourd'hui, en 2012, eh bien, on dénombre 12 de maladies qualifiées de MST. Leur propagation continue toujours malgré la vulgarisation du préservatif. Yeoman et Mars estiment qu'il y aura dans les années 2040 une forte augmentation des maladies incurables MST dans la ville, notamment du VIH qui a muté dans la dernière décennie pour devenir résistant à de nombreux médicaments et vaccins préventifs. Et le tourisme sexuel entre humains est le responsable pour une bonne part. Quant à eux, les androïdes sont faits de fibres de verre résistantes aux bactéries et se sont débarrassés des fluides de l'homme, garantissant ainsi qu'aucune maladie sexuellement transmissible ne soit transférée entre les consommateurs. L'impact du Yum-Yum, eh bien, Yum-Yum Club et des établissements similaires à Amsterdam ont transformé l'industrie du sexe pour soulager les problèmes de santé. On prédit les chercheurs. L'entrée du club imaginaire n'est pas à la portée de tous puisqu'elle coûte 10 000 $. Par contre, toutes les prestations y sont possibles. En effet, tous les androïdes sont programmés pour effectuer tous les services et satisfaire tous les désirs. Dans un monde où toujours on est plus obsédé par le culte et la beauté du corps, les belles androïdes peuvent satisfaire tous les fantasmes des clients en adoptant l'ethnie, l'âge, la forme ou encore parler la langue commandée. Cette modification de la nature des prostituées conduit également à une réforme des problèmes moraux, selon les auteurs. En effet, s'il est possible que le sexe entre un robot soit perçu dégradant ou comme correspondant à une régression, il annihile tous les cas de conscience. Les clients ne ressentent aucune culpabilité car ils n'ont pas eu réellement de rapport avec une personne réelle et n'ont donc pas à mentir à leur partenaire. De plus, ceux qui préfèrent avoir des rapports avec des jeunes partenaires ne seront plus marginalisés étant donné que les prostituées ne sont pas humaines, ce ne sont que des robots. En résumé, le sexe avec les robots est plus sûr sans les contraintes et les précautions et les incertitudes qui accompagnent une liaison ordinaire. Et finalement, Yeoman et Mars reconnaissent toutefois qu'un certain nombre d'obstacles existent. Il évoque tout d'abord le problème des prostituées humaines qui exercent dans certains pays comme les Pays-Bas. Une profession encadrée et réglementée avec l'apparition de ces androïdes et du plaisir, elles se retrouveront sans emploi car la résistance des travailleuses du sexe robotique est telle que beaucoup disent ne plus pouvoir concurrencer le prix et la qualité, obligeant donc un grand nombre d'elles à fermer leurs vitrines.

Je sais pas, je suis pas une critique d'album, là, mais je trippe là, sur l'album. Ouais, puis, mais comme, t'étais déjà un peu vendu d'avance. Mais j'étais déjà méga vendu, là. Je me pouvais plus l'attendre, ce spectacle-là. Mais l'album. L'album aussi. Mais, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu d'album? Longtemps. L'autre était sorti en... 2-3 mois. Non. 3 ans, peut-être. 3 ans? Je rentrais à l'université, on était en 2000. Ça va faire 3 ans. Ouais. C'était quoi, Close to Paradise? Ou? Non, c'était Wooden Arms. Wooden Arms, oui. Okay. C'est ça. C'est bon. Donc voilà. Je connais pas tant que ça, mais j'essayais. Non, mais non, mais c'est correct. C'est ça. Donc ça fait 3 ans, mais en tout cas, lui, il est malade mental. Puis encore une fois, un drummer fou dans la tête, là, il est vraiment trop hot. Dans le bon sens. Puis ouais. Puis avant, en fait, il y avait un quatuor à cordes, les Mummies on the Run, qui accompagnait lors de la tournée le groupe, Patrick Watson. Et t'as pas aimé puis, ça? Non, mais là, il y avait juste une des quatre, parce que là, à un moment donné, je pense qu'il pouvait plus, là, je sais pas. Mais donc, il y a une des trois, un quatuor, une des quatre, ouais. Hein, qui est là, puis qui est vraiment, ma foi, excellente, avec une magnifique voix. Donc, on va y aller. OK, on écoute... première tourne. Ouais, on commence par une pièce, laquelle? Qui est ce qui a commencé, en fait, le spectacle auquel j'ai assisté. Ça s'appelle le Lighthouse. Dans les comptines de Jasmine à Assemblage Rocky. Now.

Ah, oh, c'est cute, hein? Il a une belle voix. Voilà. Ben oui. Faut lui donner ça. François, il dit, faut lui donner ça. Faut lui donner ça comme s'il n'y avait rien d'autre pour lui, alors que tout lui réussit. Non, non, attends, je me corrige moi-même. En fait, là, c'est bon. Ben oui, bravo. Ben, tu t'en es bien sorti. Hein, c'est pas pire. Pas pire. Quelle reprise. Non, non. Donc, Ben, voilà, elle est assez plate, mais finalement, non, c'est non, bon. Non, non, non. Non, c'est tranquille, en fait. Là, faut que tu fais le tranquille. Des comptines. C'est parce que... On se réveille, là. Ouais, non, c'est ça. Mais t'es arrivé en parlant d'Hardrock. Fait que là, j'étais là, tu sais, ça va... Ouais, non, elle, pas parlé, elle a pas parlé d'Hardrock. Ah, pas parlé. Ouais, c'est toi qui as parlé de Hardrock, François. Ouais. Ah non, c'est elle qui nous a parlé. Ben oui, mais... En ronde et sur un autre sujet complètement. Ouais, c'est ça. Je sais pas que j'avais écouté ça ce matin. Ben, écoute, pour me réveiller. Hey, t'es prêt pour les choses. Donc, bref. Hein, ah, c'est vrai. On court acheter cet album-là, c'est ça. Merci, Jasmine. Ben, ça fait plaisir. Et je pense que François veut te remercier. Ouais, ouais, j'ai un petit poème. Ah, c'est vrai le poème? Ah, oh, ouais. Je pensais que c'était une blague. Ah, non, non, non. C'est vraiment vrai. Mais écoute, qui dit poème dit pas nécessairement rime, là. Je sais qu'habituellement. Surtout fait, quand là... c'est toi. Vas-y. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, écoute, ça va comme suit. S'il vous plaît, bon, on rit pas, hein. Julie, ferme son micro, elle. Bon. Jasmine et ses comptines. Peut-être n'est-ce pas un hasard qu'elle nous amène ses comptines à chaque semaine. Vous savez, une comptine est synonyme de chanson enfantine et qui rappelle le côté enfantin de par son innocence et sa naïveté. Souvent, ces comptines sont destinées au jeu ou pour aider à s'endormir. Sache que pour nous endormir, tu n'as pas besoin de comptine, mais de nous parler simplement de français. Merci pour tout. Jasmine Raymond de Rainville. Ah, oh, ça fait plaisir. C'est émouvant. Ah. Oh. Écoute, j'étais tellement émouvant que j'ai goûté le frapper, là. Une chance qu'il y a quelqu'un entre toi et lui, c'est Anne-Julie. Fait que frappe Anne-Julie qui frappera François. Oh non, c'est beau. Non? Merci pour ce fantastique film. C'est quand même, j'ai quand même mis d'énergie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. On va aller parler d'un homme singe qui ne se déplace qu'à quatre pattes. Donc, il s'appelle Kenichi Ito. C'est un Japonais de 29 ans qui voue une véritable admiration aux singes. Il s'évertue donc à reproduire certaines de leurs caractéristiques, comme la marche à quatre pattes. Donc, au cours des 8 dernières années, Kenichi Ito a développé une technique donc de déplacement à quatre pattes inspirée justement des animaux sauvages. Sa passion commence alors qu'il est enfant, alors qu'il... oui, c'est ça. Selon une déclaration qu'il fait à ITV News, Ito y déclare qu'il s'est identifié aux animaux et qu'il en a eu cette volonté d'adopter certaines de leurs aptitudes. Après avoir observé la façon de courir des singes, eh bien, Ito a pratiqué chaque jour pour marcher et courir comme eux. Le processus a nécessité qu'il effectue toutes ses démarches à quatre pattes, ainsi que ses tâches domestiques et ses conversations qu'il réalise accroupi comme un singe. Donc, il s'est vraiment mis dans la peau d'un singe. Ses entraînements ne sont pourtant pas sans risque. Il a été la cible de nombreuses moqueries à ses débuts. La ville n'est pas non plus un environnement pour la marche quadrupédique et Ito doit constamment faire attention aux voitures qui ne le remarquent pas. Lors d'une marche en montagne, il a même été victime de la méprise d'un chasseur qui l'a presque tué en le confondant avec un sanglier. Le déplacement quadrupédique n'est pas le monopole des singes. C'est pourquoi Ito s'inspire aussi de nombreuses espèces différentes pour s'améliorer donc dans sa technique. Il visionne des vidéos sur Internet et profite du zoo de la ville pour observer et imiter ses modèles. Il a ainsi développé 5 styles de déplacement différents. Et donc, le 13 novembre 2008, le Guinness Book a même officiellement reconnu que l'homme le plus rapide du monde à quatre pattes sur 100 mètres en 18,58 secondes, eh bien, c'est lui, Ito, Kenichi Ito. Quand même, méchante nouvelle. Il a vraiment adopté la façon de marcher à quatre pattes. Et puis, si vous voulez avoir une idée, voir ce monsieur, eh bien, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de con. Les liens sont là. Et la vidéo, ben, vous avez qu'à cliquer puis vous allez trouver tout ça très facilement. Sinon, ben, tiens, tant qu'à vous envoyer sur le web pour regarder une vidéo, ben, je vous invite à découvrir le nouveau spot sexy de la compagnie Agent Provocateur. Donc, la marque britannique de sous-vêtements Agent Provocateur est, comme son nom l'indique, connue pour ses provocations. Dans son dernier spot de Chase, la marque de lingerie n'hésite pas une fois donc à choquer et à renverser les codes. Soyez sexy en toutes circonstances. Voici le thème de départ pour la nouvelle campagne publicitaire. Il semblerait que Nick Jones, le réalisateur, ait bien été inspiré par ce slogan. Le début de l'action se déroule à un arrêt de bus. Un homme chippe le sac d'une dame âgée et commence à courir. Une femme, témoin de la scène, poursuit ainsi le voleur. Alors, c'est une course effrénée qui débute. Passant au travers d'un trou dans un grillage, la femme déchire son manteau et laisse donc apparaître son corps simplement vêtu d'un petit sous-vêtement sexy. C'est au bout de quelques secondes que l'homme se rend compte de la silhouette de la poursuivante et ralentit ainsi sa cadence. Lorsqu'elle le rattrape, la jeune femme lui saute dessus, puis le cogne à coups de sac à main. La vidéo se termine sur l'image de la femme sur l'homme dans une position plus que suggestive. Agent provocateur a réussi à montrer qu'il faut être sexy en toutes circonstances, même lorsque l'on pourchasse un voleur. C'est bien et c'est coquin et on aime ça comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Je pense qu'on devrait s'apprendre quelques affaires rapides dans okay. C'est un fait Quickie Edition. Tu me diras, mais tu ne fais que des Quickie Edition quand tu fais C'est un fait? C'est vrai. T'es un petit rapide, toi. Hein? Ces temps-ci, c'est wink, wink, wink, wink, wink. Certains schizophrènes ouais. peuvent se chatouiller eux-mêmes. Ah oh, ouais. C'est troublant, en effet. C'est pas tellement rassurant. C'est selon le Scientific American. Et d'ailleurs, on poste sur le même article le fait qu'on peut se chatouiller nous-mêmes si on n'est pas schizophrène, là, en se grattant le palais dans la bouche. Gratte-toi dans le palais, moi. Marche pas pantoute. Non. Marche pas pantoute. Avec ta langue, des fois avec ma langue, ça fonctionne pas. Ouais, ouais, de temps en temps. Mais tu sais ce qu'on peut faire avec une langue. Hein? Le taux de suicide, là, on parle vraiment de nouvelles déprimantes en ce début de chronique. Là. Le taux de suicide a augmenté de 60% depuis les 45 dernières années. On dit qu'il y a environ 1 million de personnes qui se tuent à chaque année. OK. C'est vraiment déprimant. C'est comme ça. Surtout, entre autres, dans le domaine des vétérans de guerre. Ouais. C'est très populaire. Sinon, il y a aussi les fermiers et d'autres domaines comme ça. D'ailleurs... Un autre groupe de gens qui se suicident beaucoup, c'est les écrivains et les artistes qui ont 18 fois plus de chances de se tuer que la population en général, selon des études. Donc, on dit les écrivains et les artistes. Et ben, les docteurs aussi, on parle des dentistes, entre autres. Buzz Lightyear, on change de domaine complètement. Buzz Lightyear, qui aurait pu s'appeler, je sais pas si je te l'avais déjà dit, Lunar Larry. Lunar Larry, ça aurait pu être le nom de Buzz Lightyear. Parle de choses qui auraient pu s'appeler autrement. C'est le 7-Up qui, à la base, s'appelait Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. C'était le nom du 7-Up à la base. Très bien. Pas très vendeur, tout ça. Une étude récemment au Royaume-Uni de la compagnie Recombu dit que 10% des gens qui ont envoyé des messages textes, tu sais, sexy, genre sexting un peu, là. Donc 10% des personnes qui ont envoyé des messages comme ça l'ont envoyé à la mauvaise personne, selon une étude au Royaume-Uni. Une personne sur 10 l'envoie à la mauvaise personne. Gênant? C'est malaisant, comme ils disent. Hein? Malaisant. Il y en a aussi que c'est à cause de l'autocorrection du iPhone, hein, qu'ils disent. Des fois, quand tu veux écrire un mot, mais ça le corrige, c'est un terme sexy. Ouais. Pas voulu, tu sais. Newsweek, le magazine Newsweek aux États-Unis, a donné à 1000 citoyens américains le test de citoyenneté officiel. Tu sais, quand tu arrives dans un pays, tu peux passer le test de citoyenneté et avoir la citoyenneté. Bon. Ils l'ont fait passer à 1000 citoyens qui étaient déjà américains. Et ça, c'était l'année passée. 29% des gens n'ont pas réussi à nommer le vice-président des États-Unis. Est-ce que tu serais capable de nommer le vice-président des États-Unis live comme ça, toi? C'est Barack Obama, c'est le président. Je pense pas Hillary Clinton. Non, c'est sa secrétaire. C'est quand même bien placé. Mais tu sais, de toute façon, c'est même pas notre pays. C'est pas notre pays à nous autres, c'est ouais, ça? Ouais, c'est sûr. Alors qu'eux autres, c'est l'est, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est Joe Biden. OK. Joe Biden. C'est bien ça? C'est bien ça, je vais pas faire un fou de moi. Ouais, peut-être. Le plus petit président à vie était James Madison, qui faisait 5 pieds 4. Il pesait 100 livres. Okay. C'est pas gros. James Madison. En 1894, le Times, un journal, a établi prédisait que d'ici à 1950, on était en 1894, que d'ici à 1950, chaque rue de Londres serait couverte de 9 pieds de caca de cheval. Parce qu'à l'époque, on se promenait en cheval. On n'avait pas prévu l'invention de la voiture et tout. Non. Ouais. Ensuite, le Dalai Lama. Tu connais le Dalai Lama? Il a un vrai nom. Ouais. Et c'est Lamo Dundop. Lamo Dundop. Lamo Dundop. Dundop. Ah, c'est bon. Hein? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu connais les Tootsie Rolls? Les petits bonbons au chocolat, genre que tu, c'est dur à marcher des fois. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Tootsie Rolls ont été ajoutés aux rations des soldats, tu sais, leur nourriture contrôlée, etc. À cause de sa durabilité, ça peut vraiment supporter n'importe quelle météo, là. Donc la pluie. Et peut-être même les balles, sûrement, de se faire arrêter par les Tootsie Rolls. C'est bon, mais c'est dur à marcher. Et tu connais ça, c'est une ligne aérienne Panam. La ligne aérienne Panam. Dans les années 1960, c'était comme à son sommet, à son apogée du succès, la ligne Panam. Les hôtesses de l'air devaient faire au moins 5 pieds 2, ne devaient pas peser plus de 130 livres et devaient prendre leur retraite avant l'âge de 32 ans. OK. Mais là, les temps ont changé. Il y a des hôtesses de l'air de 73 ans, ce qui paraît selon les commentaires de l'article en ce moment. Eh bien. Et c'est tout pour Quickie Edition de C'est un fait aujourd'hui. Faites ça vite. Pas pire. Droit au but. Rapide comme toi seul, c'est le faire. Ah oui, pas de prélime là-dedans, rien. Ça. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Wow, citron, là. Insulte pas nos auditeurs pour la dernière épisode. Ben non, on t'aime bien, Citron, et on va aller te voir en spectacle demain, 27 avril, au Pool Pub Manchester, oui. Sinon, eh bien, c'est la bière de la semaine, et c'est là, ça commence, et puis c'est le bout le plus intéressant du show. En tout cas pour moi, ça c'est sûr. 11h37, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce que la barrique nous offre? Eh bien, c'est une belle Saint-Ambroise Scotch Ale. Ça fait quelques publicités que je vois au dos de revues, dans des journaux, etc. On le sait, Saint-Ambroise, eh bien, c'est brassé par la brasserie McCausland. Et on peut pas dire une micro-brasserie. C'est une très grosse micro-brasserie. Mais ils font de très, très bons produits. J'adore la bière à la citrouille, à l'abricot aussi. Saint-Ambroise noire est bonne. Ils ont des très, très bons produits. Ce monsieur McCausland, a un savoir-faire extraordinaire. Sinon, eh bien, aujourd'hui, je vous envoie la petite description de ce qu'on va boire avant même d'ouvrir cette bouteille. La Scotch Ale de Saint-Ambroise est une bière d'un rouge rubis profond et au col ambré. Elle est douce et maltée avec une touche de vanille et de caramel, suivie d'une longue finale houblonnée. Elle tire sa révérence à 7,5% d'alcool et elle évoque les costaudes bières écossaises d'hiver. Donc, savourer une Saint-Ambroise Scotch Ale, c'est célébrer l'héritage des Écossais au Canada depuis 400 ans. Donc, c'est une très, très belle bière et je vais l'ouvrir à l'instant même, les amis. On va se boucher ça, on va se déboucher ça, on va baisser la trame. Le son du bonheur, on relève. Donc, une très belle bière, comme on a dit, ambrée, rouge un peu. Très, très belle bière. On se l'envoie. Un instant. Le col est facile à avoir, mais pas exagéré. Facile à contrôler. On sait que les bières de chez McCausland, eh bien, sont très, très équilibrées. Jamais de trop ou de passé. On a vraiment un bel équilibre. Et puis, ben là, on se l'envoie une ranza. On se l'envoie derrière la cravate. C'est bien. C'est très bien. C'est pas la meilleure Scotch Ale que j'ai goûtée, personnellement. Oh! Par contre, je retire un peu mes... C'est premier. Faut que je laisse aller le goût un peu. Je vais m'enlever une autre petite rasade. La majestuosité de cette bière, eh bien, c'est la finale, je vous le dis. La première entrée en bouche, je la trouve un petit peu agressive pour une Scotch Ale. Je suis habitué avec des Scotch Ale très, très rondes, qui goûtent pas du tout l'alcool. Celle-là, on dirait qu'il y a une certaine amertume. Et puis, on sent quand même l'alcool arriver en partant. Pourtant, elle ne figure qu'à 7,5% d'alcool. Mais, puis je la trouvais un peu agressive au début. C'est pour ça que tout de suite, j'ai dit « Oh, c'est pas la meilleure ». Mais quand on laisse aller les notes de vanille, et moi, je dirais de fumée, et même un peu d'érable, pourtant, il n'y a pas d'érable dedans, eh bien, moi, c'est ce qui me vient en bouche. Eh bien, là, ça, c'est très, très agréable, cette bière Scotch Ale, donc, de chez Saint-Ambroise. Wow! Très bonne bière. On va en envoyer une autre, une petite. Donc, cette bière est une bière qu'on appelle une bière de saison hein, chez McCausland. On peut aussi s'offrir en bière de saison la Saint-Ambroise à la framboise, la grande bière à la citrouille, la India Pale Ale, la russe, la Stout impériale russe. Je me suis fait offrir ça par un ami, Patrick, pour ne pas le nommer, à ma fête, je pense. Et puis, une excellente bière, la Stout impériale russe de chez Saint-Ambroise. Vraiment très, très bien. Sinon, dans leurs produits réguliers, eh bien, on a la Saint-Ambroise blonde, la noire à l'avoine, la Saint-Ambroise abricot et abricot de blé, Saint-Ambroise cream ale, la griffon extra blonde et la griffon rousse. Donc, on sait que c'est une brasserie qui est quand même intégrée dans le paysage québécois et ça, c'est bien intéressant. Mais bon, ils ont un savoir-faire et je vous invite, vous pouvez vous rendre à la terrasse de la Saint-Ambroise. C'est une très belle terrasse. On nous dit, moi j'avais lu dans un article dans le Nightlife la semaine dernière que c'est une des plus belles terrasses à Montréal. Donc, elle était dans le top 20, je pense, des plus belles terrasses. Et puis, c'est l'ouverture de la terrasse officielle. Eh bien, c'est le jeudi 10 mai à midi. Donc, le 10 mai, ça nous donne dans une semaine et quelques, dans 10 jours, une dizaine de jours. Donc, le beau temps va être arrivé. Ce qui est intéressant, c'est que la terrasse est située aux abords du canal de la Chine. Une très, très belle terrasse. C'est comme j'ai dit, dans le Nightlife, on nous disait que c'était une des dans le top 20 des plus belles terrasses. On nous dit que c'est l'endroit idéal pour se reposer après une journée de vélo, de patin à roues alignées ou de course à pied ou même de marche. Ce qu'on peut aussi, en plus de boire de la bière, c'est qu'on peut y manger de très bons petits plats. Alors, bien intéressant de découvrir cette brasserie qui est plus une microbrasserie, je dirais une grosse micro. C'est ça. Donc, on goûte encore et puis après, on va aller en musique. Eh bien, Charles-André, c'est pas ce qu'il manque en ce moment, mais c'est pas notre problème, c'est le sien, hein, finalement. On va aller en musique cette fois-ci. Le temps que je finis la bière, on va aller écouter la formation Fischer Spooner et la pièce que je vous offre, eh bien, c'est Just Let's Go. Profitez-en et restez sur les ondes du 89.1. On est avec vous jusqu'à 13h, puis on aura sûrement de la visite vers les midi. Alors, ben, restez là. Rise, rob the ration. Our Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, Simon Fitzbé vient d'arriver en studio et je pense qu'il y a une surprise pour nous, donc on va l'accueillir. Voici Phénomène. Simon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. On est excités, moi, je pense. Non? Ah, vous êtes heureux, hein? Dernière émission de l'année. Oui. Oui. Ok, ça va faire du bien à tout le monde. C'est ça. Le temps des vacances. Voilà. Donc, Simon, tu nous amènes une surprise comme l'année passée. L'année passée, tu avais fait la biographie du groupe Les Requins Chantants. Oui, Les Requins Chantants, effectivement. Cette année, contrairement à chaque semaine, tu ne m'as pas envoyé ton texte et ta pièce, ça s'appelle pièce.mp3. Donc, on est dans le vide total. On n'a aucune idée. Effectivement. On est prêt. Écoutez, une autre année découlant votre compagnie, j'aimerais tout de go vous remercier d'avoir été réceptif à mes chroniques et de m'avoir laissé l'espace nécessaire afin de déverser le trop-plein de connaissances musicales que j'avais dans cette émission. Et ça, même si parfois et j'arrivais très souvent en retard, comme aujourd'hui. Est-ce que tu es déjà arrivé à l'heure? Oui, c'est arrivé. les seules fois que je suis arrivé à l'heure, soit vous étiez en onde. Ouais. Ou en préparation, genre, que tu serais sûrement en retard. Ouais, genre, oui, il y avait, okay, Sébastien Dulude avec Naïd ou des faire la même, okay. Fait que ça, ouais, j'ai bref. Ouais. Ça fut un véritable plaisir de collaborer avec vous en une deuxième année le matin et d'être avec Iwan et François Landry, le doyen des requins. Tout à fait. On est les ceux qui ont été là le plus longtemps et constants. Et... dès la première semaine, sûrement, d'Assemblage requis à l'automne 2009. Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, depuis très, très longtemps. Cela dit, comme vous le savez, j'aime profiter bien sûr de la fin de la session normale de la saison plutôt normale de C'est fou afin de lâcher mon fou un peu et de vous offrir à chaque fois une chronique hors de l'ordinaire dessinant les destinées de nos animateurs et cette année chroniqueurs de l'émission. Oh! Ouais, cette année, je me suis inspiré d'une discussion ludique que j'ai eue avec notre patron, un certain François-Olivier Marchand. Je connais pas. Ouais, donc directeur général de la station, par contre, chic type, sympathique. conversation dans laquelle nous avons eu l'idée de former un club de balle molle pour l'été qui s'en vient. Je vais donc vous présenter l'alignement de ce club sans étoiles, bien loin de ressembler aux fameux chevaliers O'Keefe de notre époque. Tout d'abord, on retrouve François-Olivier comme joueur-entraîneur de cette fameuse équipe que l'on a nommée les Requins, tu sais, pour fitter avec le programme. Ouais, ouais. Donc, moyen motivateur, mais surtout excellent dans les gestions de conflits. FO a d'abord su convaincre Sébastien Dulude d'embarquer. L'homme de lettres, Kate Dulude, refusait de jouer dans une équipe qui jouerait sur un terrain appartenant à la ville de Trois-Rivières parce que, comme on l'a entendu, Sébastien a quelques comptes à régler avec la ville. Et comment l'a-t-il convaincu, selon vous? en lui promettant qu'il devait garder son bâton de baseball après la saison afin d'aller visiter l'hôtel de ville. Duluth n'est peut-être pas le meilleur frappeur en termes de visée, mais probablement le plus gros cogneur. Quand il fesse, il fesse fort. Et ça serait juste plaisant, par contre, qu'il essaie de pas frapper la balle en direction de l'arbitre, mais sur le terrain pour essayer de faire des points. C'est quand même génial. Afin d'être stratégique, François-Olivier demande à Mathieu Plante, bien sûr, d'être le statisticien de l'équipe. Comme on le sait au baseball et à la balle molle, la statistique est une partie importante du jeu, même dans les ligues de garage. Mathieu s'aide bien évidemment d'une application spécifique pour ce genre de choses. Par contre, il connaissait pas vraiment les règles de la balle molle. Non. Il calcule plutôt le nombre de fois que le coach dit tabarouette. Beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant, par contre. Hein. Mais quand même. On peut plus en faire un running gag. Bien sûr, le nombre de fois que Simon Fitzbé arrive en retard aux pratiques, ainsi que la vitesse à laquelle le gazon pousse. Il est donc rétrogradé au poste de lanceur, alors que FO lui dit... On va voir si t'es aussi bon là que pour lancer des jeux de mots à qui mieux. Non, burn! Ouais. Mathieu remplace donc Kiwan, lanceur désigné. En fait, on avait oublié que Kiwan est en cavale. Donc, il devient commentateur aux côtés de Stéphanie Gagné, qui est également DJ lors des matchs, parce qu'ils ont déjà la voix filtrée pour ça, anyway, parce qu'ils font leur chronique par téléphone. Alors, afin de recevoir, dis-je, l'ensemble des balles beaucoup trop lentes de Mathieu, nous retrouvons Jasmine Raymond-Drainville comme receveur. Est-ce qu'on dit receveur, receveuse? Faudrait lui demander. Comme elle sera la co-animatrice de l'édition d'été, l'assemblage, eh bien, elle est la personne tout indiquée pour recevoir les lancers mollasses de Mathieu, qu'elle devra rattraper comme les jeux de mots parfois douteux que l'animateur lancera cet été. De plus, en mettant Jasmine loin de nous, eh bien, on peut s'assurer qu'elle ne reprendra pas notre français. En espérant seulement qu'elle n'imaginera pas que la balle est faite en moutarde et que ça l'empêchera de les attraper. Elle a une phobie de la moutarde. Oui, oui, elle aime pas ça. Dans le champ droit, mais surtout comme frappeur vedette de l'équipe, on retrouve Nicolas Ducharme. Comme il est le seul à savoir comment jouer au baseball, eh bien, il est le seul aussi à ne pas avoir peur de la balle lorsqu'il est au marbre. Il connaît un succès assez intéressant, réussissant à frapper des balles, ce qui est déjà un exploit pour quelqu'un de l'équipe. Qui sait, peut-être frappera-t-il assez de coups de circuit pour aller dans les grandes lignes un jour. Dans le champ gauche, bien sûr, hein, concept, on retrouve François Landry qui, malgré sa volonté de faire, est un maillon faible pour l'équipe puisqu'il passe son temps à tweeter avec Denis Coderre et à lire les derniers développements de la grève estivale sur ses fils de nouvelles. Bien sûr, il a transféré le tout sur sa pagette hein, pour être capable de réussir à lire et tweeter sur le terrain. De plus, il est toujours en train de contester les décisions de l'arbitre et en train de faire désobéissance civile envers FO qu'il considère comme un véritable despote plutôt qu'un entraîneur. Heureusement, nous pouvons compter sur Justine Renaud, une jeune femme énergique qui couvre pratiquement l'ensemble du terrain toute seule. Et c'est Mathieu qui est allé la chercher, bien sûr, dans les palmarès afin d'aider l'équipe, là, parce que ça faisait dur. Comme Angélie Durocher possède uniquement des talons hauts, il est impossible, même inconcevable plutôt pour elle, de jouer à la balle molle. Elle est donc promue au poste de cheerleader de l'équipe et sa formation de BPEP aidant, elle est parfaite pour créer des « c'est pas grave, il y en aura d'autres » et elle fait pas mal la balle, voyons donc. Malheureusement, elle a tendance à être un peu trop dedans parfois et perd la voix assez souvent. Hein, c'est pas sélection. Qu'elle avait fumé des cartoons. Attends. Xavier, quant à lui, eh bien, il est jaloux d'Angélie parce qu'en effet, en étant lui-même cheerleader, il est plutôt employé comme soigneur de l'équipe. Il est notre nounou et s'efforce d'améliorer les performances déplorables des requins en leur infusant différentes sortes de thé pouvant améliorer leurs performances et également prévenir le cancer grâce aux antioxydants. Malheureusement, les talents de cuisinier et de pâtissier de Xavier jouent des tours, bien sûr, aux requins qui ne font que prendre du poids une fois sur le banc des joueurs, se régalant des bons petits plats que Xavier leur offre. Non, mais il est assez bon. C'est vrai. Bon, la bouffe qu'il fait, puis il est très fin. Une fois sur deux, on peut compter sur Audrey Tremblay pour nous rapporter les nouvelles de la Ligue ainsi que pour faire le classement, bien sûr, des équipes faisant partie de notre Ligue. Malheureusement, c'est peine perdue pour les requins qui n'arrivent pas à remporter une seule partie. On voit bien que Stéphanie Gagné nous remonte le moral avec son plat favori ou que David Ferron tente de nous réveiller en nous mettant la langue dans sa langue dans nos oreilles, mais rien n'y fait. Il y a une chance qu'il n'y a pas de langue sur la graine de pivot parce que là, ça Je voulais pas... Allez jusque là. Je vais y aller avec ça, ça va être facile. Merci. Les requins, donc, n'arrivent pas à performer, même en essayant de recruter les candidats et candidates aux élections de la GIA qui n'arrivent à rien. Ils sont trop gênés de performer, ils se trompent de direction lorsqu'ils sont en situation de pression avec les requins. Il y a juste Mathieu Roy, lui, qui se sent bien à l'aise dans l'ombre et qui essaie encore de définir qu'est-ce que c'est la GE pour lui. Encore aujourd'hui. Et pour ne pas aider, t'as des joueurs comme moi qui passent son temps dans les encyclopédies sur le baseball, bien sûr, dans l'optique d'améliorer son jeu, mais qui finit toujours par juste expliquer à l'ensemble des faits anodins sur les autres joueurs. Ce bourrage de crâne a comme seul résultat, dis-je, retarder les matchs, dont certains que nous devons annuler, cause de segments de nez trop abondants chez les joueurs, incapables d'assimiler autant de connaissances inutiles sur la vie de Babe Ruth. François Olivier fait son mieux, lui, pour tenter d'élever l'équipe à un autre niveau, mais rien n'y fait. À la fin de la saison, les Requins sont 89 défaites et une victoire. 89-1. Et c'est dû au fait, en fait, cette victoire-là, qu'une autre équipe s'est trompée de journée où le match devait avoir lieu. Et à la fin de la saison, l'équipe est décimée. François Landry a formé une association de joueurs dont il est seul membre. Les téléphones de Stéphanie et Kiwan n'ont plus de piles. Xavier est à court d'eau pour le thé. Les talons hauts d'Anne-Julie n'ont plus de talons. Nicolas a été rappelé par les grandes ligues journalistiques et justement pour aller couvrir les matchs de Balmol et devient le journaliste attitré des Requins. Audrey Tremblay a une dépression à force de compiler des résultats désastreux. Jasmine n'arrive même plus à se relever parce qu'elle est receveuse, bien sûr. David n'a plus de langue, du lieu de massacrer les spectateurs. Et Justine, elle court et saute toujours, mais rarement sur le terrain. C'est en regardant l'équipe meurtrie et décimée que François-Olivier se tourna alors vers son fidèle acolyte Mathieu et lui dit « Ouais, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça que jouer à Balmol, hein? Mais au moins, on aura peut-être la chance de se reprendre en jouant au hockey cet hiver. » Fin. s'agit bien sûr de Babe Ruth avec la pièce The Mexican qui se retrouve sur leur album First Base. Donc, tous des trucs qui ont rapport au baseball. Ben oui, je viens de comprendre. Là. Ouais. C'est très bon, cette pièce-là. Oui, hein, c'est un grand succès. D'ailleurs, c'est un des albums favoris à Alain Lefebvre qui est vraiment donc très beaucoup là-dessus. Et t'en parles comme si c'était mort, mais c'est encore l'album préféré d'Alain Lefebvre. Ben, j'ai dit c'est un de ses albums. J'ai entendu c'était. Ah, okay. Ben, en fait, désolé. Je voulais pas porter les gens à la confusion. Non, là, mais non, mais c'est pas parce qu'il était pas dans notre équipe de Balma. C'est pas qu'on voulait pas de lui, mais là, il était occupé à préparer son émission. Exactement. Oui. C'est ça. Hey, Simon Fitzbeuil, merci infiniment. C'était écoute, magnifique. Un hommage comme seul toi, c'est l'affaire. Ouais. T'es un écrivain fabuleux. Ouf. Hey, puis écoute, j'avais écrit un petit poème, mais là, je suis complètement gêné. Comparaison. Après toi, là, écoute, ça va comme suit. C'est pas grand-chose. Inspiration me manque un peu en cette fin de session. Là. Ça va comme suit. Simon Fitzbeuil, on pourrait te décrire comme historien, mélomane, ou on pourrait seulement dire intelligent. Tu nous as appris une panoplie de choses en passant du vinyle au MP3 et tu nous as rappelé des légendes ou des groupes en faisant leur historique. En espérant te conserver longtemps, c'est fou, sache que tu nous as rendu plus intelligents ou du moins d'apparence. Et comme le dit si bien Mathieu Plante, tu ne mérites pas un Fitz B, mais bien un Fitz A+. On revient avec ça. C'est mon Fitz B. Hey, Crime, c'est nous autres qui te remercions. Ah, c'est très gentil. Vraiment, passe une belle session. Ben, merci beaucoup. C'est très gentil, c'est très sympathique. J'adore. Je suis pas très à l'aise avec les hommages, mais non. T'en mérites plein. Écoutez, c'est vous autres qui méritez, franchement, mes plus sincères félicitations pour une autre année très, très bien réussie, messieurs. C'était vraiment génial. J'ai encore adoré travailler avec vous et merci de m'avoir toléré malgré mes longues chroniques interminables. Ben non, on t'aime. Et aussi, bien sûr, mes absences. Non pas mes absences, mais mes retards. Ben, tu sais, c'est ce qui fait ton charme. C'est ça. Puis comme toutes les vedettes, chaque vedette a ses petites particularités. Okay. C'est dans ton contrat, c'est comme ça. Je suis à ça d'arriver avec un chapeau et des lunettes de soleil. Faudrait. On va t'accueillir tout l'été à Assemblage Requis, à la vie de croisière d'Assemblage Requis, avec une nouvelle chronique. Ouais, une chronique qui n'a pas encore de titre. Faudrait essayer d'en trouver une. Ça va être intriguant comme sujet, en tout cas. Ouais. Façon de faire la chronique. Est-ce qu'on a un sujet ou c'est un scoop pas encore dévoilé? On laisse le suspense. Ouais, on laisse le faire suspense. Ça, ouais, okay. Ok, parfait. D'accord. D'ici là, on va te retrouver dans la nouvelle programmation d'été avec toujours ton émission Album Classique les vendredis matins à 10h. Comme toujours, effectivement. Et d'ailleurs, on va vous présenter cette semaine l'album qui s'appelle Songs to Mow Goodbye, un album lancé en 1969 par Gershon Kingsley. C'est pas un album pop du tout. C'est juste du synthétiseur en 1960, okay. Vous allez voir. Mais c'est très, très bon, par contre. Mais ça va être particulier. Parfait. Album Classique, vendredi 10h. Les heures de rediffusion ont changé un petit peu. C'est dimanche matin, après-midi à 13h. Et les mardis à midi, tu ramènes aussi un genre de bleu les lundis soirs entre 20h et 22h. Exactement, un genre de bleu qui, comme à chaque année, bien sûr, vous présente le meilleur du blues et du jazz. Cette année, d'ailleurs, nous aurons beaucoup de jazz très actuel. Également du blues actuel, donc ça va être très, très plaisant. Soyez des nôtres si vous voulez découvrir des nouveaux artistes ou tout simplement pouvoir relaxer tranquille avec du bon petit jazz. Ça va être très intéressant. L'été, c'est parfait. Les lundis à 20h, on rappelle, les mercredis à 13h et les samedis à... Ah, je sais plus. Non, c'est les dimanches à 17h. Est-ce qu'on ramène aussi Catalepsie m'en rappelle et ça? Sur un thème particulier à chaque semaine, développé en long et en large, mais ce sera des rediffusions des dernières sessions qui ont eu lieu. Cool, je vais pouvoir me réécouter, enfin. Ouais. Exact. T'autocritiquer comme on le fait tous. Car ceux qui sont rediffusés, on s'autocritique beaucoup trop. OK, oui. Donc, merci Simon et on te retrouve tous les télé jeudis à partir du 3 mai. Et merci, messieurs. Entre 13h et 17h. Merci. Beaucoup. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Des étudiants, des ados, pas étudiants nécessairement, mais des ados qui se saoulent maintenant au gel désinfectant. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, hein? On dit pas boire peu, boire mieux. Les autres, c'est boire n'importe quoi du moment que ça pète. Les nouvelles modes sont décidément surprenantes. En effet, pour contourner la loi sur la vente interdite aux moins de 21 ans, eh bien, les jeunes Américains ont trouvé la parade. Eh bien, après le bain-douche et le sirop pour la toux, ils ont décidé de se saouler au gel hydroalcoolique fréquemment utilisé pour se laver les mains après avoir constaté une recrudescence de mineurs californiens alcoolisés qui finissaient aux urgences et peut-être même aveugles, hein, tu sais, tant qu'à ça. Le Los Angeles Times a tiré la sonnette d'alarme. Facile d'accès et peu coûteux, le gel désinfectant est devenu le produit idéal à boire entre copains. Il suffit de quelques gorgées et vous avez un adolescent complètement bourré comme un petit lu. Oui, bourré comme un petit lu. Hein? On dit bien bourré. C'est un toxicologue, c'est Sirius Ragan de l'hôpital pour enfants de Los Angeles qui expliquait ça. En effet, le gel hydroalcoolique contient jusqu'à 60 % d'éthanol, le principe actif de l'alcool, soit le même volume qu'un whisky ou un rhum. Les adolescents ont ensuite trouvé la technique pour séparer l'alcool pur du gel pour les mains. Ils parviennent ainsi à tirer plusieurs verres à fort concentré éthylique dans une petite bouteille vendue librement dans le commerce. Une fois cette recette magique, eh bien, qui circule désormais sur les réseaux sociaux, un phénomène inquiétant qui n'est évidemment pas sans risque. Les médecins urgentistes ont recensé des cas d'alcoolémie sévère pouvant aller jusqu'au coma et, bien sûr, aux brûlures d'estomac. On n'a pas de cécité, au moins à l'horizon. Au moins, quand même, c'est pas de l'alcool frelaté. Mais bon, je trouve ça assez space quand même. Sinon, tiens donc une petite nouvelle du monde de la finance. On a Bruxelles qui veut savoir ce que les banques ont fait des 1000 milliards d'euros qui avaient été offerts aux banques centrales européennes. Donc, c'est la Commission européenne entend demander des comptes aux banques sur l'utilisation des 1000 milliards d'euros que leur a octroyé la Banque centrale européenne en décembre 2011 et puis en février à travers des prêts inédits de 3 ans à très faible taux. Donc, selon les informations du journal Le Monde, Michel Barnier, commissaire au marché intérieur, a demandé au président de l'autorité bancaire européenne, Andrea Enria, de s'intéresser à l'usage qu'ont fait les établissements financiers de ces prêts bonifiés. Il devait éviter un assèchement du crédit de la zone euro en permettant aux banques d'accéder à une liquidité devenue introuvable hors des guichets de la BCE du fait que la crise de la dette ait incité aussi le secteur bancaire à continuer à financer les États. Qu'ont fait les banques de cet argent? L'ont-elles redistribué à l'économie réelle en prêtant aux ménages et aux entreprises? Ont-elles profité pour se recapitaliser en mettant en réserve de l'argent ainsi gagné? Ont-elles racheté des dettes d'État? Tout ça, on s'interroge à Bruxelles. La démarche de M. Barnier fait écho aux questions de la classe économique et politique européenne sur le sens de ces prêts aux banques. Quand les États, interdits d'accès aux guichets de la BCE, continuent à se financer à un prix du marché souvent élevé, on se pose la question du financement de l'économie. Mercredi, le 25 avril, devant les parlementaires européens, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, a reconnu que ses liquidités n'irriguaient pas l'économie réelle aussi rapidement qu'espéré. Une étude publiée mercredi par l'Institut monétaire montre que 9 % des banques ont encore resserré les conditions de crédit aux entreprises et au premier trimestre, alors que 35 % d'entre elles l'avaient déjà fait en 2011. La situation se détériore donc, même si le rythme est moins rapide. Parallèlement, la demande de prêts de société a chuté, elle, de 30 % tandis que celle venant des particuliers s'est effondrée de 43 %. Interrogé par les eurodéputés, M. Draghi a assuré qu'il ferait le point prochainement sur la façon dont les banques ont utilisé les prêts les prêts de son institution. Une chance. Cet engagement conforte donc l'initiative de M. Barnier, à laquelle pourrait déboucher sur des résultats concrets. Les banquiers centraux siégeant à l'EBA devront dire s'ils jugent la demande recevable. Si tel est le cas, eh bien, chaque banque européenne pourrait se voir contrainte d'adresser à l'EBA un dossier complet sur l'emploi des prêts de la BCE. À ce jour, aucun contrôle n'était prévu et hormis le montant des prêts obtenus par chaque établissement, aucune autre donnée n'est connue. Cette demande n'est pas aberrante, mais il ne faut pas espérer obtenir des résultats inattendus, juge un banquier. Il n'y a pas de trou noir. Les banques se servent de ces prêts pour refinancer leur bilan et relâchent de l'argent au fil de l'eau en fonction des besoins de financement de l'économie. Ouais, ben je pense que Bruxelles fait bien de poser des questions parce que sinon, les banques, ben on prête de l'argent, on donne de l'argent et puis c'est jamais le particulier qui se voit améliorer. Hein. C'est beaucoup plutôt ces grandes sociétés qui sont toujours aidés par le gouvernement et pourtant, eux nous volent sans arrêt. Mais bon, que voulez-vous? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis.

et puis on dézippe comme ça la page. Allez voir sur google.com. On dézippe la page pour arriver sur une actualité correspondant à Gideon Sandback, qui est célèbre pour avoir aidé au développement de la fermeture éclair. C'est pas lui qui l'a inventé. Je pense le premier brevet, c'est pas lui, mais c'est lui qui l'a perfectionné et qui a fait qu'elle est efficace aujourd'hui et qu'on l'utilise un peu partout, dans nos sacs, nos pantalons, etc. Sinon, et tiens, on va aller faire ce que je vous ai promis tantôt, depuis tantôt, je vous en parle. Les 29 pesticides qui ont été trouvés dans le thé des Chinois. Ouh! Donc, arrose sur les résidus de pesticides dans le thé. D'après une première campagne qui concernait 9 grands producteurs de thé chinois, Greenpeace Chine s'attaque dans un rapport publié le 24 avril au thé Lipton vendu dans le pays. La marque qui appartient à la multinationale Unilever est un leader en Chine pour les thés en sachet. Monsieur, madame, si vous avez des thés Lipton, hein? OK, il y a du pesticide là-dedans. Aucun des thés testés lors des deux campagnes n'est destiné à l'exportation. Les normes européennes, par exemple, qui ont été renforcées le 1er octobre 2011 pour les thés chinois, imposent des limites maximales de résidus bien plus strictes que celles en vigueur en Chine. Ah, ben là, c'est au moins une bonne nouvelle. Mais ces résultats confirment des failles du contrôle sanitaire tout au long de la chaîne qui va des planteurs, ils sont 8 millions en Chine, jusqu'aux consommateurs dans le premier pays producteur de thé au monde. Les quatre catégories de thé Lipton que l'équipe de Greenpeace a fait tester en laboratoire sont un thé vert, un thé au jasmin, un thé appelé Iron Buddha et enfin un thé noir, tous conditionnés dans l'usine géante du groupe à Hefei, dans la province d'Anhui. Mais c'est pas Hanoï, c'est Anhui. Chacun de ces trois premiers échantillons contient au moins 9 types de pesticides, dont 7 n'ont pas été approuvés dans l'Union européenne. Parmi eux, des traces d'au moins 3 substances actives aux pesticides interdites en Chine sur les plants de thé en raison de leur très haute toxicité. Le dicofol, l'endosulfane, le métomyl, entre autres, ont été détectés. Dans aucun cas, eh bien, ces quantités de pesticides ne dépassent les limites maximales de résidus imposées par la réglementation chinoise, mais elles sont dans plusieurs cas supérieures aux normes de l'Union européenne, qui peuvent être 30 fois plus strictes, par exemple, pour le métomyl, qui est un insecticide. En dépit de toutes les assurances que donne Lipton sur son thé, on trouve des traces de pesticides dans le produit final, et notamment des traces de pesticides interdits dont l'effet sur le long terme peut être très nocif, même à très petite dose, a affirmé Wang Jing, directrice de la campagne de Greenpeace Chine. Cela prouve qu'il y a des déficiences au niveau de la chaîne de production. Contacté en Chine, Unilever n'était pas en mesure mardi matin de commenter le rapport, mais le groupe a indiqué qu'à l'horizon de 2015, tout l'été, Lipton auront la certification Rainforest Alliance qui inclut des critères très stricts à l'égard des pesticides. Il précise que cette certification sera appliquée à tout l'été chinois produit dans la province du Yunnan avant la fin de 2012. Donc, la première enquête publiée par Greenpeace le 13 avril sur 9 grands producteurs de thé chinois a révélé la présence de 29 types de pesticides dans les variétés de feuilles de thé examinées en laboratoire. Là non plus, les LMR, les restants, chinoises ne sont jamais dépassées, du moins dans les cas où la substance active est répertoriée par le ministère de l'Agriculture chinoise. Sur 29 pesticides que nous avons trouvés, seuls 5 sont listés par les organes de supervision chinois, a expliqué toujours Wang Jing. Pour l'été, il n'y a en Chine que 30 substances actives listées contre 450 pour l'Union européenne. Or, il y a 600 types de pesticides en Chine. La réglementation est très en retard sur les usages agricoles, notamment dans les plantations de thé. Surtout, les enquêteurs de Greenpeace ont testé des plants de thé dans la province du Fujian, première région et producteur du thé Oolong, et dans le Zhejiang, première région pour le thé vert, et y ont identifié des traces de pesticides interdits. Enfin, ils ont constaté que des pesticides contenant des substances actives interdites en Chine étaient proposés à la vente dans les villages proches des plantations. Ces pesticides sont largement utilisés. Notre objectif est de faire comprendre qu'il ne suffit pas pour les entreprises concernées de se cacher derrière le fait que les limites maximales de résidus décelés dans leur thé sont inférieures aux normes chinoises. C'est ça le problème. C'est les normes chinoises, ils sont pas très, très élevés. Le rapport de Greenpeace sur les thés chinois vendus entre 10 et 220 euros le kilo avait provoqué un vif émoi parmi les consommateurs de thé déjà échaudés par des scandales sanitaires et alimentaires à répétition. La mélanine dans le lait, l'huile de friture recyclée en passant par la viande de porc au clenbutérol. Sheng Dunjian, un millionnaire d'une quarantaine d'années qui a acquis en 2011 un château dans le Bordelais, s'est ému sur Weibo, le site de microblogging chinois, de plus ne plus savoir quoi offrir à ses amis à l'étranger. Je vais avoir l'air de quoi quand ils me diront « Arrêtez de m'en offrir, je n'ai pas envie d'être empoisonné. » Et c'est ce qu'on pense, hein. Maintenant, moi, je veux plus manger rien de la Chine, là. C'est très dangereux. L'Association des producteurs de thé chinois avait réservé son avis sur le rapport de Greenpeace, soulignant le fait que les échantillons de thé examinés respectaient toutes les normes nationales. Elle avait toutefois invité les experts à enquêter et à analyser les résultats du rapport. Selon l'ONG, les quatre agences gouvernementales chinoises concernées, au sein notamment du ministère de l'Agriculture et de la Santé, n'ont pour l'instant pas réagi à sa première enquête et le dossier sur Lipton pourrait raviver la pression de l'opinion publique. Je pense que c'est fait désormais. Hein? Quand on en parle au dîner de cons après, ça fait boule de neige. C'est comme ça. On est trop big. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. François Landry, on va lui mettre son intro pour une dernière fois, même s'il n'y a pas de chronique. Logocratie 101, on la met. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Petite apparition spéciale de la part de François Landry. Monsieur Landry! Cette, journée occupée, oui. Salut! Je suis comme ma sorcière bien-aimée qui apparaît. Fais-toi aller le nez un peu. Là. Oui. Non, pas le même. C'était pas comme ça dans l'émission, je me rappelle pas. Non, écoute, tu pouvais faire des. Si t'avais des pouvoirs magiques, d'après moi, tu t'en servirais à bon escient. Pour me faire apparaître un lit, un oreiller, une grosse couverte et surtout des earplugs. Des bouchons, des bouchons. Et surtout, je trouverais le bouton off sur mon cellulaire. Ma sorcière bien-aimée, ce qui était cool, c'était capable de geler le temps. Donc, tu pourrais geler le temps, dormir pendant très, très longtemps et revenir après. Me rendre dans le bureau du premier ministre puis lui indiquer par hypnose ou par... Mais peut-être qu'elle serait capable de geler le temps. Elle serait capable, en fait, de geler les droits de scolarité. Ah, ben oui. Ça reste à voir. Je vais t'engager comme conseiller politique. Donc, François, t'es très occupé cette semaine, étant attaché politique de la GEQTR. Tu promènes partout, les médias t'appellent, puis t'es en demande. Ça brasse beaucoup, là. Ça brasse, oui, les médias m'appellent, me surappellent, j'ai déjà plus de temps sur mon cellulaire, puis je l'ai rempli il y a pas longtemps. Puis cellulaire à carte, hein? Oui, faut loué. Quand même pas l'oublier, parce que je ne veux pas avoir de cellulaire, non. Mais c'est une obligation professionnelle. Mais j'ai encore ma pagette. Une technologie archaïque à une autre, de la pagette au cellulaire à la carte. Voilà. Prochaine étape, ça va être quoi? Un forfait, j'imagine. Un forfait. Oh! Tu vas tellement à jour que tu vas revenir dans le passé et tu vas avoir un téléphone à cornet. On craint. Ouais. Ça serait pas fou, ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de chronique politique depuis quelques semaines, on sait plus trop. Ça fait extrêmement longtemps. Mais on nous a manqué, mais sache qu'en fait, on a très apprécié ta présence ici à l'émission. Tu nous as éclairé souvent, en fait, sur des points de vue, mais aussi des situations qui se passaient. Donc, ça a été fort apprécié par Mathieu et moi. Je vous ai pas trop rendu cynique de la politique. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et je pense que c'est intéressant, en fait, dans une émission comme Assemblage requis, d'avoir pas cette option, mais d'avoir une chronique comme la tienne. Quelque chose qui informe et qui renseigne sur les vraies affaires. Tout à fait. Juste frivole comme on l'est tout le temps quand c'est pas des chroniques. Tout à fait. La politique, ça intéresse, veux pas, ben ça intéresse, ça touche tout le monde. Donc, on n'a pas le choix parce que si on s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous. Donc, c'est ce qui passe, autant en connaître un minimum pour être certain de pas se faire... Oh! Hein? Bon, génial. Écoute, je t'ai écrit quelques phrases un peu à la manière de aujourd'hui. Ouais, c'est ça exactement. J'ai tellement entendu des rumeurs sur ton texte que je disais, faut que je sois là. Go, vas-y. Bon, écoute, on commence comme ça. François Landry, qui se trouve toujours à ma droite et qui est à la gauche de Mathieu Plante, a su centrer le débat malgré une session remplie de rebondissements. Tes sujets et tes propos ont tous su nous éclairer et comprendre la politique. Fédérale, provinciale, cousin de Bernard Landry ou pas, tu nous as fait réagir. Et pour cela, nous te disons merci, Landry. Ouais. écoute, merci Marchand. Ça a rimé à la fin, c'était pas bon. Il y a de l'effort. Bravo. Honnêtement, là, tu me surprends. Ouais, bon. Ah, on a vraiment tous des forces. Hein, je pensais que t'étais juste le faire-valoir de Mathieu à chaque matin. Mais non, ça a l'air que... Capable d'écrire quelques lignes. Non, c'est bien, écoute... Simon, mon conseiller politique, toi, tu vas devenir mon rédacteur de discours. Puis Mathieu, lui, c'est certain, ça va être mon gig propagande, webmess et... Oui, oui, réseaux sociaux, et je vais te rajouter des petits jeux de mots poches à la fin de chaque phrase. Ouais, plein de hashtags à la Mathieu. Oui, oui. Ah, c'est le gars qui va distraire les gens, tu sais, qu'il va se passer une crise, on va envoyer Mathieu, il va danser un peu. Avec du chiptune, puis... C'est ça, puis mes chandails de chiptune aussi, mes chandails de jeux vidéo qui aveuglent, pas aujourd'hui. Ben, celle-là est quand même bien aussi. I am your father. C'est mon chandail de patates, puis dans le fond, on explique les patates frites, OK? Puis là, il y a une patate française, French fries, qui dit « Je suis ton père ». Je pointe du mauvais bord. Merci. Parce que la patate est française, French fries, c'est ça? Les patates. Patate française. Ouais. Les patates. Les patates. Bon. Et pourquoi on parle à mon chandail? C'était François le sujet de la coque. Donc, tu disais distraire les gens, c'est ce que je fais. Ah, ça marche très bien. Change juste. Vous voyez, Mathieu Plante, appelez-le, c'est un distracteur de conscience. Voilà. Bon, donc, merci encore une fois, François Landry. Oui, on se retrouve éventuellement, j'espère. J'espère. Mais je t'ai dit que oui pour cet été. Quand tu veux. À savoir quand ou comment. Je vais sûrement débarquer dans le bureau 30 secondes avant de rentrer en onde. Fait que attends-toi à ce que. Ah, il est là. On va te prendre quand tu veux, hein. Oh. Oh. Ah, vous ferez ce que vous voulez. Je vais m'apporter de longueur. Donc, nous, ben, c'est bientôt la fin de l'émission. Il reste une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que deux secondes. Pendant qu'on est dans la chronique politique, on va faire une petite blague. Blague très connue maintenant. Okay. C'est un gars pas une blague à l'agent Charest, là. Non, non, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. La police est assise, il est rentré dans... l'université! Oui! Hey! Bravo! Hey. Elle est rendue vieille, mais c'est pas grave, c'est l'affaire. Elle date quand même de 3 jours sur Facebook, là, c'est vieux. C'est très vieux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va parler de l'addiction au Coca-Cola. L'addiction au Coca-Cola augmenterait-elle la mortalité? Moi, je peux vous dire oui. C'est sûr que ça diminue l'espérance de vie là, du Coca-Cola, j'en suis sûr. Donc, l'addiction au Coca-Cola peut-elle être mortelle? Une Australienne âgée de 30 ans, accro à ce soda, est décédée d'une crise cardiaque en février 2010. Le rapport médical qui vient de paraître affirme que la consommation excessive de Coca-Cola pourrait avoir provoqué sa mort. Elle s'appelle Natasha Harris. C'est une jeune Australienne installée avec son compagnon en Nouvelle-Zélande qui buvait de 8 à 10 litres de Coca-Cola. 8 à 10 litres de Coca-Cola par jour. Elle était vraiment accro, dit-elle. C'est dans son petit ami qui dit ça. La première chose qu'elle faisait en se levant, c'était boire un verre de Coca-Cola dans son lit. Et la dernière chose avant de se coucher aussi, c'était d'en boire un dernier. Le docteur Dan Morin attribue son décès à sa surconsommation de Coca-Cola, un régime dramatique qui a enclenché, selon lui, la crise cardiaque. Cette addiction aurait provoqué une hypokaliémie, un taux trop bas de potassium dans le sang qui peut provoquer des problèmes cardiaques. L'ingestion de fortes doses de caféine, une molécule présente aussi dans le soda, pourrait être responsable de sa mort. De plus, sa mauvaise hygiène de vie ne s'arrêtait pas qu'au Coca-Cola. Cette mère de 8 enfants et à seulement 30 ans mangeait très peu mangeait très peu et fumait plus de 30 cigarettes par jour. Donc, un paquet, 8 à 10 litres de Coke par jour, pas trop de nourriture. Hein? Le Coca-Cola doit alors être considéré comme une substance addictive et dangereuse comme l'alcool ou la drogue. On se pose la question, des experts se sont prononcés là-dessus et selon le docteur Sarah Koska, psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, l'addiction biologique au soda n'a pas encore été prouvée scientifiquement. Toutefois, une dépendance à la caféine est bien possible, une substance présente dans le Coca-Cola et qui peut être mortelle en cas de consommation à haute dose. Dans le cas de cette femme, une addiction au sucre est possible vu les quantités absorbées par cette personne. Une habitude à vivre sous caféine et à haute dose est aussi envisageable, mais ce n'est pas proprement parler une addiction. Addiction, ajoute-t-elle. C'est donc pas tant la boisson elle-même qui en est la cause, mais tout un ensemble de troubles alimentaires qui ont conduit cette jeune femme à provoquer cette crise cardiaque. Une consommation excessive sur le long ou le court terme de soda du type Coca-Cola peut causer des symptômes dramatiques et que les risques sont importants qu'ils deviennent fatals, selon le docteur Martin Sage, cité par le Guardian. Donc, les responsables de Coca-Cola ont évidemment réagi à cette affaire et ont pris la défense de leurs produits. Nous sommes d'accord avec les informations découlant du rapport du décès. L'ingestion excessive de tout produit alimentaire, y compris de l'eau, sur une courte période additionnée à une mauvaise hygiène de vie et à une santé négligée peut être considérablement dommageable. Mais une consommation raisonnable de Coca-Cola n'en est en aucun cas dangereuse pour la santé, ont-ils dit. Ça, c'est ça. Hein? C'est Karen Thompson, représentante de la marque en Océanie. Elle ajoute qu'est en bien d'accord avec le rapport médical relatif à la mort de cette femme. Tout produit alimentaire consommé excessivement est nuisible pour la santé, y compris l'eau. Ouais, OK, c'est sûr. Si tu t'avales 8 litres, je pense, en moins de quelques minutes, là, c'est très dramatique de boire de l'eau. Là, mais tu peux boire 6 litres d'eau par jour, puis il n'y aura pas de trouble si c'est... espacé. Et pas la même raison avec le Coke. Là. On voit qu'elle travaille pour sa compagnie. Peut-on devenir addict à la boisson Coca-Cola au point d'en mourir? Moi, je suis sûr que oui. Et plus de 1,7 milliard de bouteilles sont vendues par jour. 1,7 milliard de bouteilles vendues par jour dans plus de 200 pays. Toute consommation excessive de soda du genre Coca-Cola sur le long terme peut engendrer des symptômes qui conduisent à la mort, conclut le docteur Martin Sage. Comme l'alcool, le Coca-Cola serait donc à consommer avec modération. C'est à vous d'en décider. Moi, je vous le conseille, en tout cas, fortement. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.